Yeah, Sino. Ok, yeah, ok. Le mauvais chemin, yeah. Tout commence par du jeu, puis ça part pour de vrai. Le mauvais chemin, il paraît que c'est ton souhait. Tu pars pour un mélange d'eau, puis tu reviens avec des kilos. Pour ça, chaque jour t'es mort, car t'as plus de flow. T'as suivi le shétan, puis maintenant tu le regrettes. T'as kiffé les salopes, elles sont kiffé la levrette. T'as aimé la drogue, t'as kiffé l'alcool. T'as goûté le shit, tu vas aimer la bronchite. Chaque jour le temps passe, tu sais pas avec qui tu traites. Jusqu'à que tu tombes au sol, tu te ramasses une grosse peine. Les années passent vite, chacun fait sa vie. Avec ce que t'as vécu plus tard, ils parleront plus. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hakis. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hakis. Quand tu vois des salopes, elles se maquillent et elles se donnent. Elles sont belles pour des clients, elles s'expriment en criant. Le mauvais chemin, il paraît que la route est longue. C'est pas parce qu'ils ont la barbe longue que ça veut dire ils posent des bombes. Si un jour je serai terroriste, ma victime ça sera Le Pen. Avoir un gun sans le toucher, l'utiliser c'est pas la peine. Compte pas sur les autres si tu le vois sur ton chemin. Ils s'en tapent aujourd'hui, la même chose le lendemain. Cherche pas à comprendre la vie, elle est trop dure. D'essayer de la simplifier, t'es pas seul à essayer. Des blèmes de jour en jour sur ton mauvais chemin. Parce que tu l'as choisi, maintenant tu trouves plus la sortie. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hadis. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hadis. Maintenant je suis normal, je me suis échappé de l'emploi. J'suis pas comme les autres potos, moi je me vante pas. J'suis pas un faux frère qui sourit devant toi. Qui partage tout avec toi, à la fin il parle sur toi. Moi j'suis pas avec toi si tu prends le mauvais chemin. J'reste sur ma route, une seule chose, fais pas le chien. Tu fais le nécessaire pour construire ton avenir. Obligé dans ta vie, des jaloux voudront le détruire. Trop de jaloux ont le seum, frère, laisse-les dans leur coin. C'est pas des enculés qui vont pouvoir m'arrêter. J'oublie pas les potes, le quartier, les amis, Paname, c'est le 5-0-19 d'année, je me rappelle toutes ces conneries. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hadis. Le mauvais chemin, choisis l'ange ou le diable. Le shétan ou Dieu, ne baisse jamais les yeux. Prends le bon chemin pour finir dans le bon sens. À chacun sa vie, ne suis pas les hakis. Le mauvais chemin, yeah, le mauvais chemin, ok. Le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin, le mauvais chemin. Le mauvais chemin, le mauvais chemin.